mes amis. Mon foie est fâché avec moi. Et hier, j'ai testé le Beaujolais nouveau. Une fois de plus, il est parfumé. Cette année, je lui ai trouvé un arrière-goût de d'urine, pas désagréable, ma foi. Pour être tout à fait franc avec vous, je me suis légèrement fait piéger. Je me rendais dans mon bar habituel pour déguster un bol de schnapps, et puis je suis tombé sur une représentante en pinard qui organisait une démonstration. « Bonsoir, monsieur !»« Salut, toi !»« Vous êtes un habitué des débits de boissons ?»« On peut dire ça comme ça !»« Vous connaissez le Beaujolais nouveau ?»« Et toi, tu connais le Helmut millésimé ?»« Ah non, mais je veux bien goûter !» Oh là là, ma fille, tu sais pas où tu t'engages. Terrain glissant, peut-être. Oh, ça, tu crois pas, c'est bien dire, malotre. Est-ce que je peux vous offrir un verre de Beaujolais? Why not, Pénélope? Tenez. Merci. Alors? Plutôt efficace, ton truc, hein. J'ai déjà le derrière qui me démange. Vous sentez la framboise qui souligne les effluves de groseille? Oui, absolument, là, juste derrière l'urine, là, c'est vrai, on sent la framboise. Je vous en mets combien? J'allais te poser la même question. Mais enfin, je ne comprends pas. Et là, mon Christophe, quoi, histoire de gagner du temps, j'ai... Non. Ah, si. Ah, je sais, c'est pas joli, joli. C'est pas très fair-play, mais j'ai chanté ce qui les fait craquer toutes les morues les soirs de Beaujolais nouveau. Allez, viens-moi un petit coup à la maison. Il y a du schnapps, du spermicide, du saucisson. On va se faire un petit caprice, maguenant. Vive les ralasses qui boivent beaucoup, qui sonnent pas bon. Et là, au lieu qu'elles se mettent à devenir folles en se jetant sur moi pour me couvrir de joie et se faire remplir de honte, elle m'a cassé une bouteille sur la tête et je me suis réveillé à poil dans le caniveau. La tête en sang à cause de la bouteille et le derche en feu à cause du Beaujolais. Quelle soirée pourrie. Bon, je vous laisse. Je vais chez Bouygues Télécom. Je vais leur péter la gueule. Au revoir.